croyais voir en toi une partie de mon avenir. Je croyais voir en toi un petit bout de ma vie. Mais je me suis trompé, visiblement je me suis égaré. Je ne suis pas fier de moi, je vis au ralenti. Je ne suis pas fier, je crois, j'ai gâché mon sursis. Je sais, j'ai perdu pied et lentement, je me suis noyé. Combien de temps, c'est bien que j'ai eu tort. Seulement, je n'ai pas fait assez d'efforts pour se dire la vérité avant de partir. Combien de temps, c'est bien que j'ai eu tort. Seulement, je n'ai pas fait assez d'efforts pour se dire la vérité avant de partir. Je croyais pourtant avoir brisé ce silence, effacé tout ce noir, rendu ma vie plus blanche. Mais le soleil s'est couché et peu à peu je me suis arrêté. Combien de temps, je sais bien que j'ai eu tort. Seulement, je n'ai pas fait assez d'efforts pour se dire la vérité avant de partir. Combien de temps, je sais bien que j'ai eu tort. Seulement, je n'ai pas fait assez d'efforts pour se dire la vérité avant de partir. Combien de temps encore pourrais-je tenir à traîner sur le bord sans aucune chance à saisir? Les mots ne viennent plus et je brûle les lettres reçues. J'ai cru que je pouvais juste fermer les yeux et ainsi oublier la moitié de nous deux. Mais je me suis trompé, visiblement je me suis égaré. Combien de temps, je sais bien que j'ai eu tort. Seulement, je n'ai pas fait assez d'efforts pour se dire la vérité avant de partir. Combien de temps, je sais bien que j'ai eu tort. Seulement, je n'ai pas fait assez d'efforts pour se dire la vérité avant de partir.